dernière bouteille qui me reste du vin que je faisais dans le temps. Verser à grand flot la liqueur vermeille pour fêter ensemble mes 80 ans. Du vin comme celui-là, on n'en voit plus guère. Les vignes d'aujourd'hui donnent que du varju. Approchez les gars, remplissez mon verre. J'suis comme dans l'idée que j'en boirai plus. Ah, j'en boirai plus, c'est bien triste à dire. Pour un vieux paysan qu'attend, vous comme moi, le vin des vendanges en un clair sourire. Pisser du pressoir comme de l'eau du toit. On aura beau dire, on aura beau faire, faudra plus d'un jour pour remplir nos fûts. Que ce sont des vignes qui rougit mon verre. J'suis comme dans l'idée que j'en boirai plus. À présent chez nous, tout le monde gueule misère. On va à la ville où l'on crève la faim. On vend pour un rien le bien de son grand-père. Et l'on brûle ces vignes qui n'amènent plus de vin. À l'avenir le vin, le vrai jus de la treille, ce sera pour celui-là qu'aura des écus. Moi que je viens de vider ma dernière bouteille, j'suis comme dans l'idée que j'en boirai plus.